الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va commencer maintenant le cours 18 dans l'explication du livre الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc au dernier cours, on a parlé de certains points qui ont rapport avec les idées des soufis. Et on a parlé de ceux qu'ils considèrent comme étant les hommes de l'invisible, Rijal ul-Ghaib. Et j'avais dit que j'allais vous amener plus d'explications par rapport à ça. Effectivement, j'ai vérifié rapidement parce que j'ai été un peu occupé aujourd'hui, mais sinon j'ai trouvé certaines informations. Donc parmi les termes que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné dans son livre Al-Furqan et qu'on a mentionné hier, on parlait de Rijal ul-Ghaib. En fait, c'est une hiérarchie qui a été, une hiérarchie de saints qui a été inventée par les soufis. Et ils ont donné à chaque niveau, chaque grade de cette hiérarchie un nom spécifique. Et donc ils les définissent de différentes façons. Et on a parlé hier de différents noms. Parmi les noms qu'on a mentionnés, Al-Abdal, Al-Nuqaba, Al-Nujaba, Al-Autad, Al-Aqtab, hein, et les différents nombres qui sont attribués à ces différents grades dans cette soi-disant hiérarchie de Awliya, de saints. Et le plus haut, le niveau le plus élevé dans cette hiérarchie, c'est le niveau de qu'est-ce qu'ils appellent Al-Qutb, le pôle. Le pluriel du mot qutb, c'est aqtab. Et donc, ils disent, par exemple, par rapport au terme qutb, la traduction qu'ils donnent à ça, c'est l'axe, ou le centre, ou le pôle. Et le terme qutb, pour eux, ça peut se référer au mouvement céleste, et puis c'est utilisé également comme un terme astronomique, et aussi un symbole spirituel dans le soufisme. Donc pour eux, le qutb, c'est l'être humain parfait. Ils l'appellent al-insan al-kamil. Et ils disent que c'est lui qui dirige la hiérarchie des saints. C'est lui qui est à la tête. Et ils disent que le qutb, c'est le guide spirituel des soufis, hein, qui est une connexion divine avec Dieu et qui transmet la connaissance, et qui en fait le centre et le pivot du soufisme, mais il était connu du monde. C'est des hommes cachés, hein? Des hommes secrets soi-disant. Il n'y a qu'un seul qutb. Chacun était, hein, et est un guide spirituel infaillible. Il est révélé à un groupe de mystiques à partir du moment qu'il y a un besoin à la connaissance directe de Dieu. Donc c'est ça, c'est les croyances des gens de bid'a parmi les soufis, les soufis, et aussi on retrouve ces croyances-là chez les chiites, parce que les chiites, ils croient en un nombre d'imams, les 12 imams infaillibles. Et d'autres groupes de chiites ont différents nombres d'imams, comme par exemple les ismaïliyas, eux ils ont 8 imams, tandis que les ithna ashriyas, les duodécimains, eux ils en ont 12. Et à d'autres sectes, il y a d'autres nombres, parce qu'ils se sont pas entendus entre eux sur le nombre d'imams, hein, parmi les descendants d'Ali. Donc chaque secte a adopté ou a choisi un nombre d'imams auxquels ils se sont arrêtés, hein. Et donc ceux qui ont choisi un nombre, par exemple ceux qui se sont arrêtés à 8, eh ben eux ils ont formé une secte. Et ceux qui ont arrêté à 12, ils ont formé une secte. Et ceux qui ont arrêté à 9, ils ont formé une secte. Et ainsi de suite. C'est pour ça que chez les chiites, il y a un nombre interminable de secte parmi les chiites. Allah al-musta'an. Et donc, ils disent que dans la littérature mystique, par exemple dans les écrits de certains soufis, ils disent que le Qutb fait référence à l'être humain parfait, à l'insan al-kamil. Et c'est le leader universel de tous les saints, le moyen qui relie le divin et l'humain, et dont la présence est nécessaire à l'existence du monde. Donc c'est ça, ils prétendent qu'il est à la tête de la hiérarchie des saints. Non. Donc, il y a d'autres détails qui sont mentionnés. Parmi les exemples, ils disent que la hiérarchie cosmique est une manière qui assure l'existence du pouvoir spirituel à travers le cosmos. Deux descriptions de cette hiérarchie sont des grandes personnalités du soufi. La première vient de la cour divine de Ali al-Hujri, al-Huwayjiri. Ils disent, il y a 300 akhyar, les excellents, 40 abdal, les substituts, 7 abrar, les pieux, 4 autad, les piliers, 3 nuqaba, les guides, et 1 qutb. Et la deuxième version est de Ibn Arabi, qui est différente, donc ils sont pas tous avec le même, selon eux, il y en a qui disent certains nombres et d'autres qui disent un autre nombre. Non. Et puis il y a plusieurs personnes que les soufis nomment un qutb. Ils donnent le titre de qutb à différents soufis. Yani, Allah musta'an. Donc toutes ces choses-là sont des bid'ah. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne. Il a mentionné hier qu'il n'y a rien d'authentique dans ce qui est rapporté à ce sujet-là, à part le terme abdal, il n'y en a pas d'autre. Et le cheikh, il dit, وَرُوِيَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بْنُ تَيْمِيَةَ il dit ensuite, وَرُوِيَ فِيهِمْ حَدِيثٌ أَنَّهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا يعني, là, il parle maintenant des abdal, à partir du terme, le terme abdal qui est mentionné dans les hadiths. Ibn Taymiyyah il dit وَرُوِيَ فِيهِمْ حَدِيثٌ أَنَّهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَأَنَّهُمْ بِالشَّامِ وَهُوَ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَلِيًّا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا أَفْضَلُ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ بِالشَّامِ فَلَا يَكُونُ أَفْضَلُ النَّاسِ فِي عَسَاكِرِ مُعَاوِيَةَ Duna Askari Ali. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne ici que le hadith, il y a un hadith qui est rapporté à propos des Abdal et qu'ils sont de 40 hommes et qu'ils sont à Sham, dans la région de Sham, la Syrie, la Palestine et toute cette région. Et c'est le hadith en question est dans la Musnad de l'imam Ahmad. C'est un hadith rapporté selon Ali radiallahu anhu. Il dit, mais c'est un hadith qui est munqati', c'est-à-dire que c'est pas une parole qui est attribuable au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une parole qui est attribuée à un sahabi, si je me trompe pas, c'est ça. Et donc c'est pas un hadith, et il est pas authentique. Laysa bi thabit, il est pas authentique. أي نعم. وقال النووي في التقريب والتيسير الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب بن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي. نعم. وكمالك عن ابن عمر، وقيل ما اختل فيه لرجل قبل التابعي محذوفا وكان مبهما، وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا أو فعلا. Donc c'est ça, c'est une parole d'un tabi'i. Qu'est-ce qui est munqati'? C'est la parole d'un tabi'i, la parole d'un élève d'un sahabi, d'accord. Et des fois aussi ça peut être lui qui mentionne une parole d'un sahabi. Donc c'est pas un hadith, déjà, et il est pas authentique, il dit. Donc, c'est pas une référence. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme une référence. Et ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, on va lire l'explication de Cheikh al-Fawzan, il dit, وكل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقطاب والأبدال والأوتاد فإنه مكذوب ما عدا الأبدال ففيه نظر وفيه قوة ومنقطع الإسناد يعني فيه سقط. Donc, il dit que tous les hadiths qui sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels on parle du qutb, ou du badal, ou du watad, ou bien le pluriel, aqtab, abdal, autad, tout ça c'est mensonger, et c'est faux. À l'exception du terme abdal, comme on a dit tout à l'heure, et même ça, il y a des choses à voir dedans, c'est pas clair que c'est authentique. Même si c'est plus fort que les autres, mais malgré tout, il y a comme Ibn Taymiyyah le dit, c'est munqati, c'est-à-dire il y a une coupure dans la chaîne de transmission de ces hadiths-là. De ce hadith. Et il dit ensuite, li'annahu, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, li'annahu qala al-abdalu bil-sham, fa ma'na hadha anna ahl al-sham hum afdalu من علي من علي وأصحابه مع أن عليا أفضل وهو رابع الخلفاء الراشدين ومن السابقين الأولين من المهاجرين ومن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل ومن معه من الصحابة أفضل من الذين في الشام وهذا يدل على أن هذا الحديث فيه نظر في كونهم بالشام. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il a mentionné que Ali radiallahu anhu ainsi que les compagnons qui étaient avec lui étaient meilleurs que Muawiyah et ceux qui étaient avec lui dans la région de Hasham. Et donc il dit les gens de Muawiyah, du compagnon radiallahu anhu, Muawiyah radiallahu anhu, et ceux qui étaient avec lui, donc ils ne sont pas meilleurs que Ali radiallahu anhu. Et donc ça c'est la preuve que ce hadith-là, il y a un point d'interrogation par rapport à son authenticité. Et comme on a dit qu'il était munqati', donc il y a une coupure dans la chaîne. Et donc à cause de ça, on peut dire que ce hadith-là il est pas fort. Il dit ensuite le cheikh, il dit وَقَدْ أَخْرَجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي ابن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه فكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما. Donc le cheikh il dit qu'il est rapporté dans الصحيحين البخاري ومسلم selon أبو سعيد que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'un groupe, c'est un hadith du prophète qui dit qu'un groupe qui va sortir de la religion lorsque les musulmans allaient être divisés, et que le groupe le plus proche de la vérité des deux, parce que les musulmans allaient être divisés en deux groupes à ce moment-là, au moment où cette secte va apparaître, le plus proche de la vérité des deux groupes, c'est eux qui vont les combattre. Le plus proche de la vérité parmi les deux groupes, c'est eux qui vont combattre cette secte qui vont sortir contre les musulmans. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé historiquement, c'est connu, c'est que ce groupe qui est sorti contre les musulmans, ce sont les Khawarij. Ce sont les Khawarij, Al-Haruriya. Et c'est eux qui ont attaqué les Sahaba, et c'est Ali radiallahu anhu qui les a combattus. C'est Ali radiallahu anhu qui les a combattus, lui ainsi que ses compagnons radiallahu anhu. Et ça, c'est ce qui indique donc dans ce hadith authentique que Ali radiallahu anhu était plus proche de la vérité que Muawiya et ses compagnons radiallahu anhu. Donc comment les Abdal pourraient-ils être dans le plus bas des deux groupes, ou celui des deux groupes qui est le moins proche de la vérité, en voulant dire ceux qui étaient dans Al-Sham. Et ceux qui étaient dans Al-Sham, c'était l'armée de Muawiyah radiallahu anhu. Donc comment dire que les Abdal sont meilleurs alors que le meilleur des deux groupes, c'était le groupe de Ali radiallahu anhu. Donc ça, c'est des arguments qui viennent supporter l'idée que cette narration-là, elle n'est pas authentique. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là. Il dit: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الخوارج وزمن خروجهم وأنهم لما رجعوا من صفين كانوا يقاتلون مع علي رضي الله عنه فلما انتهت المعركة وقبل علي التحكيم قالوا له أنت حكمت الرجال وكفروه والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال فكفروا عليا رضي الله عنه ومن معه وخرجوا عليه وكانوا 12,000 نزلوا بحروراء من أرض العراق ولذلك يقال لهم الحرورية قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان ونصره الله عليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلها أولى الطائفتين بالحق فهذه شهادة لعلي رضي الله عنه أنه أقرب للحق من أهل الشام لأنه هو الذي قتل الخوارج. Donc le cheikh il dit que Cheikh Al-Fawzan il dit donc que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé la sortie des Khawarij, et il avait mentionné à quelle époque ils allaient sortir, et que ça s'est produit après la bataille de Siffin, et que il y avait eu la bataille entre deux groupes d'entre les Sahaba. Puis lorsque la bataille s'est terminée, Ali radiallahu anhu, il a accepté de prendre des arbitres, des arbitres pour gérer ce conflit et pour arrêter le combat, pour faire la paix. Et les Khawarij, avec leur ignorance, ils ont dit: comment tu prends des juges dans la religion d'Allah? Le jugement n'appartient qu'à Allah. Alors ils l'ont déclaré kafir. Comme les Khawarij aujourd'hui, qui déclarent n'importe qui kuffar parce qu'ils jugent pas, ils disent: ah, vous jugez pas par la charia, vous jugez pas par la loi d'Allah, donc vous êtes des kuffar. Et ils font pas la distinction entre le kuffar al-akbar ou le kuffar al-asghar. Ils déclarent tout le monde kafir, mukhrij min al-millah, sans distinction, de qu'est-ce qui est kuffar amali et kuffar i'tiqadi. Donc ils déclarent tout le monde kuffar. Et à l'époque de Ali radiallahu anhu, ils ont fait ça aussi. Ils ont déclaré Ali radiallahu anhu kafir, en utilisant le verset Inil hukmu illa lillah. Le verset le jugement n'appartient qu'à Allah. Et donc ils ont dit: puisque tu as pris des juges, parmi des hommes, donc tu es devenu kafir parce que c'est Allah qui juge seulement. Et ils ont déclaré donc Ali radiallahu anhu kafir. Et ceux qui étaient avec lui, et ils se sont permis de les attaquer et de les combattre. Et ils étaient environ 12,000. Ils étaient environ 12,000, imagine, subhanallah. Et ils s'étaient réunis dans un endroit qui s'appelle Haroura en Irak. Et c'est pour ça qu'on les appelle Al-Harouriya. Et donc c'est bien de savoir que les Khawarij, ils sont différents groupes qui sont apparus à différents moments dans l'histoire et qui sont apparus aussi dans différentes régions. Donc c'est pas une seule secte, les Khawarij, c'est plusieurs sectes, plusieurs groupes qui apparaissent d'une époque à l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut trouver des Khawarij encore, mais ils vont pas nécessairement s'appeler Khawarij. Mais ils ont différents noms, différents groupes et différents chefs, À chaque fois, ils disparaissent, ils réapparaissent à une autre époque. Et en particulier dans les périodes où, dans lesquelles il y a beaucoup de fitan. C'est là qu'ils apparaissent. Et donc, à notre époque, on a vu plusieurs groupes qui ont les caractéristiques et les croyances des Khawarij, comme les frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun, Al-Qaïda avec Ben Laden, Al-Zawahiri, Al-Zarqawi. On a vu d'autres aussi, Abu Qatada, Al-Filistini, et on a vu aussi Al-Daesh, hein, d'autres, des groupes comme ça. Tout ça, c'est des groupes de Khawarij. Et tous ceux qui ont cette méthodologie-là ou cette idéologie-là, ils rentrent dans la catégorie des Khawarij. Et donc, ici, le cheikh, il dit ensuite, donc, que Ali, radiallahu anhu, les avait combattus dans la bataille de Nahrawan. Dans la bataille de Nahrawan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Ali radiallahu anhu contre les Khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que le plus proche des deux groupes parmi les musulmans à l'époque qui allaient être divisés allaient combattre les Khawarij. Et ceux qui ont combattu les Khawarij, c'est le groupe de Ali radiallahu anhu. Hein? Et donc, ils étaient plus proches de la vérité que les gens de la Syrie, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Muawiyah à l'époque, radiallahu anhu. Donc, pourquoi? Parce que Ali, radiallahu anhu, c'est lui qui a combattu les Khawarij. Alors le cheikh, il dit, فَكَيْفَ يَكُونُ الْأَبْدَالِ بِالشَّامِ يَعْنِي يَكُونُونَ مَعَ مُعَوِيَةَ radiallahu anhu وَلَا يَكُونُونَ مَعَ عَلِي مَعَ أَنَّ جَيْشَ عَلِي أَفْضَلُ مِنْ جَيْشِ مُعَوِيَةَ radiallahu anhu. Donc le cheikh, il dit, c'est comme Si ce hadith-là était vrai, comment ça se pourrait que les Abdal soient en Syrie, ou dans la région de la Palestine, de la Syrie, Sham, alors que Muawiyah est pas meilleur que Ali, radiallahu anhu, hein, et le groupe de Ali était plus proche de la vérité que le groupe de Muawiyah. Donc comment les Abdal auraient pu être dans son armée et non dans l'armée de Ali, radiallahu anhu? Le cheikh il dit ensuite, وَكَذَلِكَ مَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْشَدَ مُنْشِدْ قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي فَلَا طَبِيبَ لَهَا وَلَا رَاقِي إِلَّا الْحَبِيبُ الَّذِي شُغِفْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ رُقْيَتِي وَتِرْيَاقِي وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث يعني هذا كذب فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. الشيخ il explique ici que il y a des choses qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait mentionné dans un poème ou dans une parole qu'il avait mentionné certains propos, puis ils attribuent ce propos là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh il dit que ça c'est un mensonge selon les hommes de science. Donc on va lire les explications de cette parole qui est attribuée au prophète ici. Il dit هذه القصة العجيبة العجيبة يعني بعض الصوفية يروي هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تواجد لما سمع هذه الأبيات. Donc il prétend que le prophète صلى الله عليه وسلم il a eu une réaction يعني quand il a entendu يعني ces vers de poésie. Il dit تواجد الوجد هذه من اصطلاحات الصوفية بحيث إنه يضطرب عند سماع المقطعات والأناشيد المقطعات والأناشيد ثم يزيد عليه الطرب والإعجاب حتى يغيب عن الدنيا ويسقط على الأرض ويزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذه الأبيات وهي أبيات عشق وغرام وغزل كيف يستمع لها الرسول صلى الله عليه وسلم وأشد من هذا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتواجد عندها تواجد الصوفية انظر إنهم يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحترمونه لا يحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه السفاهة. نعم وهذه القصة كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ولا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتواجد يعني ويسمع أبيات العشق والغرام والغزل نزهه الله عن ذلك. نعم donc c'est des poésies d'amour et de trucs de romantique là, des choses comme ça qui décrit l'amour d'une personne pour une femme ou des choses comme ça. Puis ils prétendent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait entendu ça, il aurait eu une réaction comme s'il serait perdu conscience, hein, tellement il a été affecté par ces vers, et qu'il a laissé tomber son vêtement de ses épaules, hein, ça, comme si son manteau aurait tombé de ses épaules à cause de la réaction qu'il a eue en entendant ces vers-là. Et le cheikh dit ça, c'est parmi les expressions des soufis qu'ils utilisent l'expression « al-wajd ». Ça fait partie de leur terminologie. Ça veut dire que lorsqu'il tremble ou bien il a une réaction, puis après il perd connaissance en entendant des poèmes. Et les soufis, ils aiment entendre des poèmes de description d'amour des femmes, puis des choses comme ça. Et donc eux, ils considèrent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il a eu ce genre de réaction. Et le cheikh, il dit, eux, ils mentent, hein, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas de respect pour lui. Et ils lui attribuent ce genre de futilité, ce genre d'action, hein. Et donc ça, c'est un manque de respect. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam écouterait-il ce genre de poésie? Puis en même temps, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il ce genre de réaction, hein, à l'écoute de ce genre de paroles? Et il dit que tous les savants de hadith, tous les savants de science du hadith sont tous d'accord pour dire que cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est fausse, hein, elle n'est pas vraie, et il ne convient pas de croire en il ne convient pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir ce genre de réaction et en même temps d'écouter ce genre de poésie. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifié de ce genre de choses. Et ça donc, c'est même pas authentique de toute façon. Il dit wa akdabu minhu ma yarwihi ba'duhum annahu mazzaqa thawbahu wa anna Jibril akhadha qit'atan minhu فعلقها على العرش فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي. Donc ici il y a des choses qui sont mentionnées plus mensongères que qu'est-ce qu'on a lu précédemment attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux sont même allés jusqu'à dire qu'il a déchiré de ses vêtements quand il a entendu cette parole, et Jibril, hein, aurait pris une partie de ces vêtements là, une partie de ce tissu, puis l'aurait accroché au trône d'Allah. Hein? Donc ça, c'est des exemples de paroles comme ça que les hommes de science et ceux qui connaissent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils savent que ça, c'est parmi les hadiths les plus apparents, hein, dans leurs mensonges contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Cheikh Al-Fawzan, lamma tawajada mazzaqa thawbahu wa qata'a thawbahu wa Jibril akhadha minhu qit'atan wa 'allaqaha bil 'arsh. انظر الكذب والوقاحة كيف تبلغ بهم ويزعمون أنهم أولياء الله. Il dit regarde à quel point, hein, ils n'ont pas de gêne, ils n'ont pas de honte, et à quel point ils prétendent par la suite, après avoir dit ce genre de mensonge, prétendent être des rapprochés d'Allah. Hein. Et également il dit وعند الصوفية من الوقاحات والعجائب والكذب والمضحكات أشد من هذا وهذه سنة الله أن من ترك الحق ابتلي بالباطل. Il dit, et chez les soufis, tu vas retrouver plein de ce genre d'histoires mensongères et étonnantes, surprenantes et même ridicules, hein, et plus graves que ça encore comme exemple. Et il dit, ça c'est la règle d'Allah, hein, qui est établie que toute personne qui abandonne la vérité, il va être éprouvé par le faux. Et donc ces gens-là, ils suivent le faux. Et il y a aussi l'exemple de, yani, des paroles aussi qui sont mentionnées. C'est surtout chez les chiites, tu trouves des paroles de dénigrement de certains d'entre les sahaba, hein, comme ceux qu'ils ont rapporté par rapport à Omar radiallahu anhu, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler avec Abu Bakr, et Omar radiallahu anhu, il était entre les deux comme si une personne qui ne peut pas les comprendre, hein. Il dit, yani, la yafhamu kalamahum yatahaddathuna bi kalamin la ya'rifuhu Omar radiallahu anhu wa hadha mumkin hadha yani yuratinuna ritanatan la ya'rifuha Omar radiallahu anhu. Yani Omar ibn al-Khattab, il fait partie des Arabes, hein, il fait partie des nobles de Quraysh. Comment il ne comprend pas l'arabe? Comment il ne comprend pas qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne à Omar, qu'est-ce qu'il mentionne à Abu Bakr? Donc ça, c'est des insultes qu'il mentionne à propos des sahaba, nasallallahu al-afiyah. Il dit, wa huwa kadhibun mawdu'un bittifaqi ahli al-ilm bil hadith. Donc ça, c'est des choses qui sont des mensonges fabriqués selon l'accord de tous les hommes de science du hadith. والمقصود هنا أن في من يقر برسالة العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا. Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que parmi ceux qui affirment et qui croient en le message général, hein, de la religion, ils montrent en apparence qu'ils acceptent le message général de l'islam, mais en eux-mêmes ils croient en des choses qui viennent en opposition et qui détruisent même cette croyance-là. Donc ils sont comme des hypocrites dans ce cas-là, comme des munafiqin. Ils prétendent, hein, à propos de sa personne et à propos d'autres comme lui, qu'ils sont des serviteurs rapprochés d'Allah, alors qu'en eux-mêmes ils ont renié, hein, la foi en ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené, soit par orgueil, hein, ou rejet, ou soit parce qu'ils sont ignorants, hein, ils le rejettent en ignorance. Et le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne à propos de ces points-là, il dit, يقصد الشيخ من إرادة مثل هذه المضحكات أن يبين مخازيهم ويكشف عوارهم لأنهم يزعمون أنهم أولياء الله وعندهم مثل هذه الترهات والأباطيل. Donc il dit que le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne ce genre de paroles ridicules de leur part, de la part des soufis, hein, pour les humilier et pour dévoiler, hein, ce qu'ils cachent comme croyance. Moi, j'ai rencontré comme ça des soufis, comme ça, qui ont ce genre de fausses croyances et qui se basent sur des hadiths faux, puis ils pensent que eux, ils ont une connaissance spéciale dans la religion. J'en ai rencontré comme ça, ils m'ont dit, nous, on connaît des hadiths que vous connaissez pas. C'est des hadiths faux, des hadiths fabriqués. Et en particulier, j'ai entendu certains, comme il y en a un que je connais qui est sénégalais, il dit, nous, au Sénégal, on connaît des hadiths, même les Arabes ne connaissent pas. Il dit, c'est pas parce que les Arabes ne les connaissent pas, c'est les ulama de hadiths, ils ont mentionné ces hadiths-là comme étant des hadiths batila, il y a des hadiths qui sont fabriqués, qui sont faux. Il n'y a aucun savant parmi les ulama qui accepte ce genre de hadith. Et également, certains d'entre eux, yani, j'ai été choqué des fois, parce que j'ai rencontré, j'avais expliqué ça une fois dans une histoire qui m'est arrivée. J'étais dans une mosquée, puis il y a un homme qui est rentré, et cet homme, il était, il dit qu'il était avec les Ahmadiyya, je crois qu'il était avec les Ahmadiyya, il ne croit pas aux hadiths. Il rejette les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah al-musta'an. Alors il dit, moi je crois seulement au Coran, je ne crois pas au hadith. Hein? Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il commence à expliquer ces choses-là. Moi, je commence à lui clarifier que ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es musulman, puis tu dis, je crois juste au Coran, je ne crois pas au hadith. Je dis, les hadiths expliquent le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique le Coran et il mentionne le détail, comment appliquer le Coran. Hein? Et dans le Coran, il n'y a que les règles générales, mais les détails sont dans la sunna. Et donc je lui expliquais, je lui dis, comment tu peux faire la salat si tu ne crois pas en la sunna? Et comment tu peux connaître les détails du jeûne et de la zakat et du hajj et ainsi de suite? Et il y avait un homme qui était à côté, et je le connais, c'est un Sénégalais, et je sais que lui c'est un soufi, parce que son frère au Sénégal, il avait même une tariqa. Il était même à la tête d'une tariqa. C'était un soufi de tariqa Tidjaniya qui suivent Ibrahim Nias. En tout cas, un égaré, parmi les égarés des gens de bid'a et de tasawuf. Et puis, je voyais qu'il l'écoutait. Il écoutait le Ahmadiyya. Le gars qui disait qu'il ne croyait pas à la sunna, puis c'est comme s'il était d'accord avec lui et que ça ne lui dérangeait pas du tout. Qu'est-ce qu'il disait? Alors moi j'étais comme étonné de voir qu'il n'avait pas de réaction et qu'il était comme très, comme presque satisfait de ce qu'il disait. Puis il lui dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais discuter avec toi, c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme s'il était d'accord avec lui. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça étrange. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Lui, est-ce qu'il rejette les hadiths aussi? Et finalement, quand tu regardes exactement qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne à propos de ces gens-là, c'est que eux, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de la sunna. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin du messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils pensent qu'ils ont une voie directe vers Dieu, qu'ils ont une connexion directe avec Allah. Donc, ils n'ont pas besoin du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand tu sais ça, après, tu ne vas pas être étonné de ce genre de choses. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ensuite, il dit, « وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِثْلُ مَا بَدَأَ مِثْلُ مَا بَدَأَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَتَظَاهَرُ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّاهِرِ وَلَكِنَّهُ يُكَذِّبُهُ فِي الْبَاطِنِ وَمِنْهُمُ الصُّوفِيَّةُ وَالْمُنَافِقُونَ. Il dit, parce qu'il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que Ibn Taymiyyah il veut dire ici? C'est comme il a expliqué auparavant. Il y a des gens qui montrent en apparence qu'ils croient au messager, en apparence, mais au fond d'eux-mêmes, ils le renient. Hein, ils démentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur d'eux-mêmes. Et parmi eux, il y a l'exemple des soufis et des hypocrites. Hein, ils montrent à l'extérieur qu'ils croient au messager, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Puisqu'ils pensent qu'ils ont une voix, hein, que leur cheikh leur a montrée, qui est meilleure que celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu regardes leur comportement et leur attitude, et comment ils vénèrent leur cheikh, et comment ils les suivent aveuglément, et comment ils les obéissent aveuglément dans tout, tu vois clairement que pour eux, ces gens-là, leur cheikh est plus important que le messager d'Allah, même s'ils prétendent le contraire. Et le cheikh dit, « Wahum munafiqoun fi d-dark al-asfali min an-nar, wa yad'oun annahum awliya'ullah. لماذا هم منافقون؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويعترفون في الظاهر للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وفي الباطن يكذبونه. Donc eux ils sont hypocrites, hein? Le cheikh dit ils sont hypocrites, et les hypocrites sont dans le plus bas niveau de l'enfer, et malgré ça ils prétendent qu'ils sont les serviteurs rapprochés d'Allah, hein? Donc le cheikh dit, mais pourquoi on dit qu'ils sont munafiqoun? Parce qu'ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Et ils reconnaissent en apparence le message du messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais en eux-mêmes, ils n'y croient pas, ils le traitent de mensonge. Et le cheikh, il dit, imma inadan ma'al ma'rifa, wa imma jahlan bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa hum yad'un al-ilm, wa yad'un al-ma'rifa, wa yusammun al-'arif billah. يسمون العارف بالله وما أشبه ذلك وأنهم وصلوا إلى الله كيف يصلون إلى الله وهم على هذا المستوى الهابط من الجهل والحماقة. Donc le cheikh il dit, soit par obstination ou par opposition à la connaissance, hein, par opposition à la vérité avec la connaissance, c'est-à-dire ils savent la vérité mais ils refusent obstinément de la suivre, ou bien par ignorance de leur part de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené. C'est-à-dire, ils ignorent la science, mais ils prétendent connaître. Hein, ils se donnent parfois le titre de l'arif billah, c'est-à-dire celui le connaisseur d'Allah, celui qui connaît Allah, et des titres semblables. Alors, ils disent, nous on est arrivé à Allah. Et le cheikh dit, comment peuvent-ils être arrivés à Allah alors qu'ils sont dans ce niveau, hein, très bas d'ignorance et de stupidité, hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc ça c'est des exemples comme ça, et si ça c'est le niveau de ceux qui se disent awliya parmi les shuyukh, les soufiyah, imaginez le niveau de ceux qui les suivent. C'est encore plus bas dans leur ignorance et dans leur aveuglement, yani. Donc les fidèles de ces choses-là, des fois, c'est comme complètement aveugle. Et donc quand je vois des exemples comment ils agissent avec leur cheikh et tout, yani, subhanallah, c'est comme si ils ont perdu leur raison. Hein. J'ai vu une fois, yani, le cheikh, il était assis là, comment ils ont agi avec lui, comme si c'était, yani... Oh, mais c'est grave, parce que quand il s'est levé, il est parti. Eux, ils sont venus dans là où il était assis là, ils se sont roulés dans la terre, là où il était, là, ils ont pris le sable, ils ont mis ça sur eux, dans leur visage, partout. C'est comme s'ils pensent vraiment que lui, là, il a quelque chose qui est... Comme s'il pense qu'il laisse un dépôt de bénédiction là, à l'endroit où ils s'étaient assis. Et ils viennent prendre ça pour se mettre sur eux, là, pour se rouler là-dedans. Yani, c'est n'importe quoi, yani, c'est de l'ignorance totale. Et c'est triste parce qu'ils obstruent le chemin de la religion aux gens. Ils empêchent les gens d'apprendre l'islam réel et de comprendre la religion. Et les gens les vénèrent et les suivent. Et d'un côté, les gens aiment ces gens-là aussi. Pourquoi ? Parce que ces gens-là leur permettent de suivre tout ce qu'ils veulent de leur passion. Hein? Ils ne vont pas leur interdire ce qui est interdit ou leur ordonner ce qui est obligatoire. On leur dit, non, continuez, faites ce que vous voulez. Vivez comme vous voulez. Et puis à la fin, hein, du moment qu'ils sont satisfaits d'eux, ils promettent à ces gens-là le paradis. Bien oui, suivez-nous, vous allez au paradis. Peu importe qu'est-ce que vous faites. Ouais, ben c'est ça. Ils reçoivent de l'argent de ces gens-là aussi. Donc ils vivent comme des rois. Hein? Ils vivent comme des rois. C'est des gens qui des fois certains là, ils portent leur voiture même. Quand leur voiture arrive là, ils veulent même pas laisser la voiture rouler par terre, ils vont la soulever pour la porter pour le cheikh. Ou bien ils vont porter le cheikh lui-même dans les airs pour pas qu'il touche par terre. Des histoires comme ça, il y en a plein d'exemples comme ça. Et de nos jours maintenant, ils ont même filmé ça avec les téléphones et tout là. Donc si vous entrez sur YouTube là, vous écrivez des histoires comme ça de Sophia, puis qu'est-ce qu'ils font avec leur chair et tout, vous allez voir des exemples, plein d'exemples comme ça, et c'est vraiment choquant, yani, de voir que des gens se disent musulmans puis qu'ils agissent de cette façon avec des gens, et ils les élèvent comme s'ils les prennent comme des divinités, ils les adorent en dehors d'Allah. Donc ils font toutes sortes de formes de shirk et de bid'a, hein, comme ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera demain inshallah avec plus la suite de l'explication de ces points-là inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.